suite sur France Culture du lundi au jeudi. Une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier. LSD passe à l'heure d'été. En canoë, en pédalo ou seul au boulot, en randonnée, dans une chaise longue à la pêche à pied, en escalade pour la plage, tranquille dans la ville ou perdu dans la foule, 53 minutes de rediffusion choisies dans la série documentaire. Cette semaine, à l'ombre des centrales nucléaires, une série documentaire de Lydia Benitzrak réalisée par Christine Digère. Au départ de cette série, il y a de vieux mensonges, des histoires de nuages aux trajectoires stupéfiantes et des catastrophes meurtrières. Il y a des sols, des fruits, des animaux, des humains et des champignons contaminés. Il y a des mots qui font froid dans le dos, uranium, radium, césium. Et ces questions, comment vivre avec la menace, travailler au cœur du réacteur et croire les promesses que l'on sait intenables. Et cette idée que le plus dur parfois c'est de reconnaître que l'on a fait le mauvais choix. Mais au départ, tout était beau lendemain, avenir radieux et vie éternelle, le tout bien emballé dans le drapeau tricolore. Alors pour commencer, les personnages. Un couple de scientifiques amoureux, un ministre irradié, un savant engagé, des tricoteuses, un chef de sécurité, une famille de chercheurs, des physiciens et des antinucléaires. Ensuite, le décor. Un laboratoire, de la crème au radium, des abris anti-atomiques, le vent qui chasse les nuages, la Polynésie, le désert algérien, des champignons lumineux, des essais comme des démonstrations de puissance, une radio clandestine et pas la moindre précaution. Aujourd'hui, premier épisode, compte à rebours. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Jusqu'à la découverte de l'énergie nucléaire, la conquête du feu pouvait être considérée comme la plus importante que l'homme ait jamais faite. L'antique feu, le Prométhée, va céder la place à d'autres puissances. Nous entrons, nous sommes déjà entrés dans l'ère atomique. La découverte de la radioactivité par Henri Becquerel, c'est d'elle que tout est sorti. Et les physiciens, pénétrant dans l'intimité de la matière, réalisant ces transmutations dont avaient rêvé les alchimistes du Moyen-Âge, allaient révéler au monde les prodigieuses possibilités de l'énergie nucléaire. Une ère nouvelle s'ouvrant pour l'humanité. L'aventure de l'atome, un avenir radieux. Ce petit laboratoire, c'est l'endroit où manipuler des sources radioactives qui ont comme fâcheux inconvénient de contaminer ce qui est autour. Claude Huyn, directeur du musée Curie. Et je vous rassure tout de suite, cette pièce a été nettoyée en 1981. C'est ce que rappelle cette plaque en laiton où il est inscrit que la Ligue française contre le cancer avait financé cette décontamination et cette reconstitution du laboratoire, puisque la paillasse elle-même avait des traces de radioactivité, donc elle a dû être remplacée. Mais c'est bien la pièce que Marie Curie a utilisée, que sa fille Irène également a pu utiliser pour ses recherches, et qui donne sur ce petit jardin qui était le lieu central de l'Institut du Radium. Il était conseillé d'aller dans le jardin pour éviter de respirer trop de radon. Alors ça fait beaucoup sourire aujourd'hui par rapport aux mesures de protection telles qu'elles sont appliquées aujourd'hui, mais c'était quand même une préoccupation de protéger au maximum les travailleurs qui manipulaient ces sources radioactives. Nous ne disposions que d'un hangar en planches dépourvu de tout aménagement. Il n'y avait pas de hotte de laboratoire permettant le dégagement des gaz nuisibles. Il fallait exécuter nos opérations dans la cour quand le temps le permettait. On voit toutes sortes de petites fioles de plein de formes différentes, un bec Bunsen aussi, et puis un tableau électrique d'époque, c'est ça ? Un tableau électrique qui délivre du courant alternatif continu en 110, 220, avec des fusibles. Et c'est vrai que ça évoque un petit peu la période de Frankenstein, on mettait comme ça le contact avec des grands tableaux électriques. Là, il n'a qu'une vocation décorative, puisqu'on a essayé de préserver quand même le matériel historique qu'il pouvait y avoir dans ce laboratoire. et on y retrouve des fioles et puis du matériel qui avait servi à Marie Curie pour ses recherches. Ce sont des petites coupelles en porcelaine qui servaient à des préparations chimiques. Le radium au service de la beauté par la santé de la peau. Des éléments curatifs incorporés dans une crème de beauté. Voilà le secret de l'efficacité sans précédent d'un produit pour les soins quotidiens du visage, tel que la crème embellissante et curative Thoradia à base de thorium et de radium, selon la formule du docteur Alfred Curie. Formule, thorium, chlorure, 0,50 g, radium bromure, 0,25 microgrammes, excipient QSP 100 g, exclusivement chez les pharmaciens. Le tube 10 francs, le pot 15 francs, dépôt général Secor, 20 rue des Capucines, Paris. Il n'y avait pas que les crèmes, hein, il y avait tout un tas de produits de toute nature. Cécile Rénal. Chocolat radioactif, des pâtes alimentaires radioactives, du coton, enfin vous trouviez toutes sortes de choses. Et donc les fabricants demandaient systématiquement à ce que leur produit ait une sorte de validation auprès de l'Institut Curie à partir de l'étalon de radium. This same kind of dirt was made just radioactive enough to register on a Geiger counter. Leading cleansing creams, complexion soaps and Dorothy Gray Salon Cold Cream were used to remove this dirt. En parallèle, on voit apparaître des produits comme des crèmes de beauté radioactives ou encore des appareils qui permettaient de radioactiver l'eau ou d'autres produits qui aujourd'hui nous semblent un peu curieux. Mais dès 1937, le radium est inscrit comme poison dans la pharmacopée et donc on interdit l'utilisation du radium dans ces produits de beauté. Rappelons que les pouvoirs du biologiste ne s'exercent pas seulement sur l'individu. Ils affectent la race, la lignée, l'espèce, puisqu'au moyen des radiations pénétrantes, on provoque la formation d'animaux ou de plantes doués de caractères anormaux et transmissibles à la descendance. Jean Rostand, 1955. C'est même, soit dit en passant, sur ces faits de mutation artificielle que se fondait très solidement la grand-peur des biologistes en face de la libération de l'énergie incluse dans l'atome. Ce n'est pas seulement la guerre atomique que nous redoutons, c'est la paix atomique. Car nous savons en effet que par là une nouvelle cause de mutation fut introduite dans le monde. Et connaissant aussi que la quasi-totalité des mutations sont détérioratrices de l'espèce, nous sommes tenus de conclure que d'ores et déjà, la science a sournoisement déclaré la guerre au patrimoine héréditaire humain. Mais on voit que très vite, la radioactivité, il a été très difficile de dissocier le côté civil et le côté militaire de la chose. C'est pas si rapide. C'est effectivement lié à la volonté du général de Gaulle, après la Deuxième Guerre mondiale, de créer un organisme, le Commissariat à l'énergie atomique, pour développer ses recherches sur l'atome. Et c'est Frédéric Joliot-Curie qui se voit confier cette mission de créer un organisme à la fois de recherche pour comprendre et développer l'utilisation de cette énergie atomique. Mais très vite, cet organisme va devoir aussi, au moment de la guerre froide, effectuer un certain nombre de recherches dans le domaine militaire. Ce qui va placer d'ailleurs Frédéric Joliot dans une position assez délicate, puisque lui-même était très opposé à une quelconque utilisation militaire de l'atome. Il va être le premier signataire de l'appel de Stockholm, qu'il signe le jour de ses 50 ans, d'ailleurs le 19 mars 1950, pour l'interdiction absolue de recherche dans le domaine militaire. Et il est très vite révoqué de son poste de haut commissaire à l'énergie atomique, d'une part parce qu'il est opposé à ses recherches, et puis d'autre part parce qu'il est communiste. Et en cette période de guerre froide, c'était une position qui était assez délicate. Mais ce paradoxe de la radioactivité est intrinsèque. Et même Pierre Curie conclut sa conférence Nobel à Stockholm en disant que, comme Nobel, il est conscient du danger potentiel de sa découverte, mais il fait confiance en l'humanité qui, selon lui, fera plus de bien que de mal de ses découvertes. C'était 40 ans avant la première bombe atomique qui explose sur le Japon. Mais il y avait déjà cette conscience de ce paradoxe et de ce danger potentiel. Le danger danger du radium, d'ailleurs, a été identifié très vite. Dès 1904, Antoine Béclair met en garde les manipulateurs en leur proposant de porter des gants, des lunettes plombées, de manière à éviter les effets dangereux de ces rayonnements. Mais il faudra attendre 70 ans avant que le radium ne soit réellement interdit, puisqu'il est interdit par décret depuis les années 1970. Alors, on dit, monsieur Pierre Guillemin, que lorsque vous êtes devenu administrateur général du CEA, le commissariat à l'énergie atomique, le règne des pacifistes du CEA, cette génération représentée par Frédéric Joliot-Curie, membre du Parti communiste, cette génération était terminée. Mais est-ce qu'il n'y avait pas encore, à cette époque, parmi vos collaborateurs, des gens qui avaient peur qu'on construise la bombe atomique au CEA? Ils n'étaient pas tous pour la bombe. Mais aucun n'était contre. Ça dépendait de l'argent qu'on avait, ça dépendait des budgets. Ça ne s'est pas passé avant la bifurcation entre nucléaire militaire et nucléaire civil? Il n'y a pas eu de bifurcation entre nucléaire civil et nucléaire militaire. Le commissariat cherchait à faire de l'énergie atomique avec tout le monde. Mais en France, depuis Colbert, seule l'armée fabriquait ses armes dans ses propres arsenaux. Mais quand je suis arrivé au CEA, le service des poudres des armées est venu me dire « Les poudres, les explosifs, ça dépend de nous, du ministère de la guerre. Dites-nous comment nous allons faire la bombe atomique. » Nous leur avons dit « Venez commencer à travailler chez nous pour voir ce que c'est que la maison, pour avoir un peu la culture commune du CEA. » Et nous les avons reçus, oui, avec l'arrière-pensée qu'un jour on ferait de l'uranium enrichi pour faire la bombe, oui. Aussi de l'uranium enrichi pour faire de l'électricité, de l'uranium enrichi pour l'agriculture, de l'uranium enrichi pour les forêts, de l'uranium enrichi pour faire n'importe quoi. Pour la bombe à hydrogène, qui exige des connaissances fondamentales assez différentes de ce qui se fait dans les laboratoires ordinaires, nous avons passé un contrat avec Madame Joliot-Curie. Qui savait très bien pourquoi on lui avait passé ce contrat. Et il ne figurait pas que c'était pour faire pousser des petites poires. Mais quand nous avons parlé de bifurcation, Monsieur Guillemin, nous voulions dire que la recherche de base a été commune pour le nucléaire civil et le nucléaire militaire, donc jusqu'au milieu des années 50. Non. Il n'y a pas eu de bifurcation entre nucléaire civil et nucléaire militaire. Que fait un arbre en grandissant? Il crée des branches. Bruno Dufossé, vous êtes chef de poste sécurité. Oui. À la maison de la radio. Et tous les gens qui travaillent ici ont toujours plus ou moins entendu parler de cet abri anti-atomique qui existe sous la maison de la radio. Oui. Et vous avez déjà eu l'occasion d'y aller? Oui, lors de mes rondes. Parce qu'avant, il y avait plusieurs abris atomiques dans les différents secteurs en sous-sol. Et là, il en reste un. Et on va descendre en sous-sol pour atteindre l'abri atomique. Vas-y, monsieur. Déjà, d'une manière générale, la maison de la radio, c'est une sorte de labyrinthe infini. Hein. Il y a des kilomètres de couloirs. Ah, tout à fait, oui. Il y a même des gens qui se sont déjà perdus dans cette maison. Là, il faut baisser la tête. Oui, le plafond est assez bas. Parce qu'il y a des gaines. Il y a énormément de tuyaux et de fils électriques. Ça ressemble un peu à Brésil. On dirait une porte de sous-marin, un peu. C'est comme dans Fort Boyard, on a la bonne clé. C'est des portes hyper épaisses, hein. Ça sent la tête. Vous avez créé ça lors de la construction de la maison de la radio, c'est au cas s'il y aurait des attaques, etc., nucléaires et tout, pour en mettre tout le, pas tout le personnel, mais les personnes importantes à l'abri, quoi. Aussi bien le président, etc. C'était pendant la guerre froide. Ouais, c'est ça, pendant la guerre froide, ouais. Et on se disait, si jamais il y a un président ou un ministre qui est dans la maison de la radio, qu'on puisse le mettre à l'abri. Voilà, c'est ça. C'est comme tout, les préserver, quoi. C'est ça. Je peux pas vous dire. C'est en cas d'urgence. Ouais, c'est ça. Plutôt en cas d'urgence. Voilà. La surface de la brée atomique. Donc là, c'est une petite pièce avec des gros morceaux de béton, mais qui a l'air assez banal, hein, finalement. Il devait être équipé différemment. Il devait y avoir, c'est bien des lits, un peu repliants, tout ça, pour pouvoir un peu quand même le confort, là. En fait, ce qui prend le plus de place, c'est les murs. Hein. Ils doivent être très épais, ouais, et c'est pour ça que c'est tout petit. Tout à fait, ouais. Il y a une sorte de petit hublot, là. C'est peut-être pour laisser passer un tuyau. On ne sait pas. Ouais, on ne sait pas du tout. Certes, on pourra déplorer la pauvreté des images qui nous ont été fournies sur l'explosion dont on ne verra qu'un panache de fumée. Cela ne retire rien au fait. Seule, avec ses seuls moyens, la France a fabriqué sa bombe. Les premiers usages qui ont été mis en place au niveau du développement du nucléaire, c'était pour la bombe. Patrice Bouvray. Bon, la France était pionnière au niveau de la découverte avec Joliot Curie, avec Marie Curie. Mais même après la Seconde Guerre mondiale, où donc l'arme nucléaire a été utilisée pour la seule fois au-dessus des populations, 6 et 9 août 1945, Hiroshima et Nagasaki au Japon, tout de suite à la fin de la guerre, De Gaulle, qui était revenu au pouvoir, a créé le commissariat à l'énergie atomique pour que la France possède le plus rapidement possible la bombe. Ça a mis quelques années, puisqu'après le premier essai nucléaire, donc, qui montre qu'une puissance est une puissance nucléaire militaire, c'est quand elle fait un essai nucléaire. On l'a fait le 13 février 1960 en Algérie, dans le Sahara algérien. Le 13 février 1960, la première bombe atomique française était explosée. Feu. Alors, vous voulez que je vous dise, je trouve ça très très bien. On voit un magnifique champignon. Moi, c'est formidable. Je regrette qu'un appareil. Bon, ben, moi, je veux que c'était clair, sortir. Vous venez d'assister à la première explosion nucléaire française. Et l'éclair, le champignon qui s'élève maintenant là-bas là, dans le ciel. On a vu le champignon. Donc c'est la fameuse gerboise bleue qui a été donc envoyée à Reagan et où des militaires français finalement réalisaient en plein milieu du désert cet essai nucléaire, donc avec une vraie bombe où ils étaient très proches du point zéro et sans être protégés et prévenus des dangers. Oui, au niveau de tout le personnel qui a participé, je ne parle pas des scientifiques, puisqu'ils étaient au courant, ils connaissaient. À l'époque, il y avait déjà différentes études faites, notamment suite à l'utilisation de la bombe à Hiroshima et Nagasaki. Il y avait des études faites sur les conséquences que ça pouvait avoir par rapport à tous ceux qui approchaient de la bombe. À Reagan, dans le Sahara algérien, on avait construit, pour faire les essais, une ville dans lequel vivaient au moment, suivant les périodes, jusqu'à 3000 personnes, et notamment les appelés. Mais ils ne savaient pas du tout que 20 ans, 30 ans, 40 ans après, ils développeraient des maladies spécifiques, parce qu'à aucun moment, on a organisé un suivi médical. Mais l'armée avait quand même une responsabilité, savait ce qu'elle avait fait au niveau des responsables, et donc aurait dû, au minimum, mettre en place un suivi médical spécifique pour tous ces gens-là, ce qui aurait au moins pu prévenir un certain nombre de choses liées à leur exposition aux essais nucléaires. L'ébranlement du sol soulève les poussières accumulées depuis des millénaires par l'érosion, sans cassure de la montagne. Elles ne sont pas radioactives. Les émanations sont en permanence contrôlées pour déceler tout danger accidentel. Après le premier essai, est parti un soldat pour aller planter le drapeau sur le point zéro. C'est la France qui l'a fait. L'appelé qui est allé faire ça était malade toute sa vie avec des problèmes. Alors lui, il pouvait faire le lien entre le fait d'être allé sur le point zéro, planter le drapeau, alors qu'il y en a plein d'autres, ils rentraient chez eux, ils repartaient dans la vie. Quand ils ont des cancers spécifiques qui se déclenchaient, ils faisaient plus le lien avec le fait que ça pouvait être lié aux essais nucléaires. Nous allons avoir l'air de combattre. l'industrie atomique, c'est une conjonction historique. Yves Lenoir. Au moment où la guerre commence, on vient de découvrir la réaction en chaîne. Mais on pensait à la bombe atomique depuis 1902 exactement, comme Rutherford et Soddy ont démontré que la désintégration du radium produisait pour la même masse environ 1 million de fois plus d'énergie que de brûler du kérosène. Donc dans ces conditions, on s'est dit, si on arrive à libérer cette énergie rapidement, alors on pourra avoir des explosifs d'une puissance cosmique. Et ça, c'est 1902. Donc l'idée de la bombe a guidé, c'était le fil rouge, le Graal qu'on cherchait, de tous les physiciens jusqu'en 1939, quand Joliot a déposé les brevets de la bombe, du réacteur, etc. Et aux États-Unis, quand la guerre a commencé, Leo Szilard et Wigner, deux physiciens émigrés hongrois qui avaient fui le nazisme, ont demandé à Einstein de prévenir le président américain que les Allemands en savaient autant qu'eux et que les Allemands pouvaient faire la bombe parce qu'ils avaient été en pointe comme les Français, comme les Anglais. Et à ce moment-là, le président des États-Unis, peu après l'invasion de la Pologne, a dit « OK ». Et la découverte du plutonium a suivi de très peu de temps. Et une fois qu'on a vu les différentes possibilités de faire des bombes, bombe à uranium, bombe à plutonium, on a lancé le projet Manhattan avec ses deux volets, le volet plutonium et le volet enrichissement de l'uranium. Deux immenses complexes, celui de Hanford pour fabriquer le plutonium, celui d'Oak Ridge pour enrichir l'uranium. Et puis à Los Alamos, les physiciens travaillaient pour mettre au point la bombe. 21. 39. 31. 38. Got it? 40. Everybody back right now. Behind the wall. December 7th, 1941. A date which will live in infamy. La course à la bombe atomique, le projet Manhattan aux États-Unis, c'était pour faire la bombe atomique avant que les nazis ne l'aient. Jean-Marie Brome. On ne savait pas très bien ce que faisaient les nazis, mais on supposait que, comme ils avaient la même connaissance scientifique que les pays alliés, il n'y avait pas de raison qu'ils ne pensent pas à la bombe. On a su après qu'ils n'y pensaient pas. Et donc, après le débarquement, il y a une commission composée de scientifiques, commission ALSOS, ça veut dire Saul, c'était un nom de code, qui suivait la ligne de front et qui fouillait dans toutes les universités françaises possibles, à savoir où en étaient les Allemands avec la bombe. Et c'est à Strasbourg, en novembre 44, qu'ils ont découvert des documents qui prouvaient que les Allemands n'étaient pas prêts d'avoir la bombe, n'auraient jamais la bombe et ne pensaient même pas. Suite à ça, eh bien, il s'est passé qu'à Los Alamos, des scientifiques, une partie, ont dit « bon ben, les nazis n'ont pas la bombe, on arrête les frais ». D'autres scientifiques ont dit « non, quand on commence un boulot, on le termine proprement ». Et puis les militaires sont venus en disant « bon, ben, puisque la bombe ne servira plus à rien en Europe, qu'est-ce qu'on pourrait bien en faire ?» Et c'est comme ça que Strasbourg a joué un rôle, pas responsable, mais a joué un rôle dans la définition de la bombe à Hiroshima et à Nagasaki. Les Allemands, les nazis, avaient un prototype de réacteur nucléaire. Il est toujours en Forêt-Noire, dans un musée, mais ils pensaient à l'eau nucléaire en tant qu'énergie et pas en tant qu'instrument de destruction. Après la guerre, tous les scientifiques allemands de renom, von Weizsäcker en particulier, Heisenberg et autres, se sont retrouvés en Angleterre, dans une ferme, avec des micros partout. Et quand on leur a annoncé en 45 que la bombe avait explosé, ils n'y ont pas cru. Ils ont dit « c'est pas possible, nous on n'avait jamais pensé à ça ». Mais en 2 jours, ils ont fait les équations, ils ont trouvé. En 2 jours, ils ont été capables de dire « voilà comment on suppose qu'ils ont fait ». Et c'était vrai. Le 16 juillet 1945. Ce jour-là, le soleil se lève à l'ouest sur la base d'Alamogordo. Les caméras filment sous tous les angles cette explosion de 20 kilotonnes. Trinity est entendue à plus de 300 km à la ronde. L'éclair est vu à 700 km de là, à Amarillo, au Texas. Et on explique à la presse qu'il a été provoqué par l'explosion d'un dépôt de munitions. Tentant de couvrir le bruit de l'explosion, Vannevar Bush hurle au général Groves. Cette bombe est plus brillante qu'une étoile. Et Groves, toujours avide de promotion, de répondre en montant ses galons, plus brillante que 2 étoiles. Ken Bainbridge, le responsable de l'opération Trinity, félicite Oppenheimer par ces mots. « Maintenant, nous sommes tous des salauds ». Et Oppenheimer se remémore alors un passage de son poème hindou favori. Si l'éclat d'un millier de soleils illuminait soudain le ciel, cela ressemblerait à la splendeur du Tout-Puissant. Maintenant, j'incarne la mort, le destructeur des mondes. La première grande bombe américaine opérationnelle, pas la toute première qui était un dispositif expérimental immense, qui faisait trois étages, comme un immeuble de trois étages, hein, la première bombe Mike. Hein. Mais la deuxième, celle du test Bravo en 1954, a eu une puissance deux fois la puissance prévue. Ce qui était un exploit, si on veut, mais pour les physiciens, c'est pas très bon. C'est-à-dire qu'ils avaient mal évalué la puissance de la bombe. Donc il a fallu faire pas mal d'essais avant d'arriver à avoir des bombes qui aient une puissance, disons, maîtrisée. Et c'est la raison pour laquelle les essais nucléaires ont continué pendant extrêmement longtemps, soit dans l'atmosphère, soit même dans la mer ou à la surface de la mer, soit maintenant sous terre, pour être moins facilement détectés, ou en tous les cas que les résultats ne puissent pas être accessibles à des espions ou à des avions espions qui iraient mesurer, comme ça s'est fait quand ils étaient atmosphériques, le contenu des nuages. Ça donne une information sur la puissance de la bombe et sur son rendement. Poursuivant la réalisation de son programme atomique, la France a procédé le 1er mai à une explosion nucléaire souterraine dans le Hoggar. À une centaine de kilomètres au nord de Tamanrasset, le centre d'expérimentation réunit en étroite collaboration les spécialistes du commissariat à l'énergie atomique et des armées. L'expérience a été conduite dans un massif granitique au fond d'une galerie creusée dans la montagne. Outre son aspect militaire, l'intérêt de ce type d'essai est de permettre d'envisager des applications pacifiques des explosions nucléaires et d'exclure les risques de retombées radioactives. Allez, voilà, il a plus 100%. C'est la plus 100%. Aucune information n'a été faite au niveau des populations. Et puis, comme c'était des essais atmosphériques, donc aériens, les nuages allaient rarement là où on avait prévu. Des bombes nucléaires, on ne maîtrisait pas tout. Il y a eu des accidents, c'est-à-dire des bombes qui n'ont pas explosé comme c'était prévu, dégageant la radioactivité de manière importante et créant des problèmes, notamment pour un ou deux villages qui étaient à proximité. Et sur lequel, pareil, aucune information avait été faite avant. Bon, ça, voilà, dans l'époque, ça peut s'expliquer. Mais après, une fois que le nuage était passé au-dessus, on aurait dû, surtout que ce n'était pas non plus des populations aussi immenses que ça en termes de quantité, en prendre soin, c'est-à-dire mettre en place un suivi médical de façon à éviter que ces personnes soient laissées à l'abandon, de voir les enfants tomber malades, de voir des femmes accoucher d'enfants handicapés dans des proportions anormales par rapport à ce qui se passait juste avant, et sans comprendre pourquoi, avoir entendu le bruit de la bombe. Donc se douter qu'il y avait eu quelque chose, mais sans le comprendre, parce qu'on ne leur a pas expliqué. Et d'un point de vue d'un pays comme la France, qui se prétend un droit de l'homme. Feu. Oh, mais comme les pousses produisent, je trouve ça très très bien. On voit un magnifique champignon. Mais il n'y a pas eu bifurcation entre nucléaire civil et nucléaire militaire. Mais non, monsieur Pierre Guillaume, c'est donc vous qui avez construit la bombe française. C'est évident. Vous savez, je dis toujours, ce n'est pas l'ingénieur qui est responsable, c'est celui qui a donné de l'argent. L'ingénieur, vous lui donnez de l'argent. Il travaille bien ou il travaille mal, ça c'est une autre affaire. Mais il est content. Il construit des trucs. Mais tout le monde en France croit que c'est le général de Gaulle qui a construit la bombe. Mais tant mieux. Vous savez, s'il n'avait pas été là, même dans la coulisse, ça n'aurait pas marché aussi bien. Aujourd'hui, mon importance n'existe plus dans l'histoire, mais à l'époque... Toutes les dispositions sont prises, comme vous le savez, pour que cela n'ait aucun inconvénient d'aucune sorte pour les chères populations de la Polynésie. Au niveau du développement de la France et de son rayonnement économique, des ventes de centrales, etc., que si on commence à reconnaître que le nucléaire peut créer des maladies et des surcroîts de maladies, créer un doute sur cette filière-là, on remettait en cause tout le développement de la France, puisqu'on a tout misé là-dessus. et surtout ce qu'on est en train de découvrir maintenant de manière de plus en plus forte, que ça se transmet aux générations suivantes. Et donc les victimes des essais nucléaires, pour pouvoir se défendre face aux tribunaux, pour pouvoir se faire reconnaître, ont engagé des procédures et on a obtenu la déclassification d'un certain nombre de documents et dans lesquels on a retrouvé des choses... Un des premiers essais qui ont été faits, qui émanent du docteur Charles Mignon, c'est dans un rapport après un tir en 1966, donc en Polynésie, qui ne s'était pas passé non plus comme c'était prévu au niveau des vents, qui s'était retourné au dernier moment. Et donc le nuage était revenu sur un atoll qui était habité. Donc il a écrit dans ce rapport interne, ouvrez les guillemets, il sera peut-être nécessaire de minimiser les chiffres réels, de fait à ne pas perdre la confiance de la population, qui se rendrait compte que quelque chose lui a été caché dès le premier tir. En 1966, c'était le premier tir qu'on faisait en Polynésie. On a eu des mêmes problèmes en Algérie où il y a un tir, notamment le tir Béryl, 1er mai 1962, qui n'a pas fonctionné comme on voulait, où il y avait d'ailleurs deux ministres présents sur place, dont un qui est mort pas mal d'années après de leucémie, et sans vouloir reconnaître qu'il y avait sans doute un lien avec le fait qu'il avait absorbé. C'était le ministre de la Recherche scientifique, Gaston Pavelski. Mais vous voulez dire qu'il est mort d'une leucémie sans reconnaître que sans reconnaître que ça pouvait être sa cause. Oui, il niait la chose alors que c'était sa propre vie en jeu. Oui, oui. Devoir d'État, raison d'État. Mesmer, qui était aussi à cet essai-là, se réclamait le ministre le plus irradié de France. Et ceux qui réclamaient des indemnités, moi je suis encore en bonne santé, vous dites n'importe quoi, la radioactivité, ça crée pas de problème. Je reconnais que les essais nucléaires menés entre 1966 et 1996 en Polynésie française ont eu un impact environnemental, provoquer des conséquences sanitaires. Sans la Polynésie française, la France ne se serait pas dotée de l'arme nucléaire et donc de la force de dissuasion. Alors cette contribution, celle que vous avez vous-même apportée à travers les essais nucléaires, je veux la reconnaître solennellement aujourd'hui devant vous. Il a fallu attendre 2006 pour que le gouvernement commence à reconnaître qu'il y avait pu avoir quelques problèmes à certains essais. Alors qu'on peut dire que chaque essai a créé de la radioactivité. Non, tous les essais ont été propres jusqu'en 2006 au niveau du discours gouvernemental. Il y a une augmentation des cancers, vous en faites partie, c'est pas de chance pour vous, mais c'est pas lié. On vous a pas exposé avec risque. On a pris toutes les précautions utiles pour que vous ne soyez pas malade à ce moment-là. Alors que plein de gens n'avaient pas de combinaison et dans les appelés, dans le personnel qui accompagnait au moment des essais, alors qu'ils étaient avec des scientifiques qui, eux, étaient en combinaison par rapport à la radioactivité, pour donner des exemples. Ils avaient soi-disant des dosimètres pour mesurer la radioactivité absorbée. À la fin de la journée ou de l'exercice ou de la période, on ne récupérait pas le dosimètre. Donc on ne peut pas savoir ce qu'ils ont absorbé, on ne leur réclamait même pas. L'État ne veut pas reconnaître qu'il a fait courir un risque à son personnel. On m'appelle, on me dit « Parfait, venez ici, vous allez partir en mission ». Avec un gars de la 22e compagnie, qui est là avec un tracteur agricole. Vous allez aller chercher un compresseur Spiros, à une équerre, sur le point zéro, au carreau de la mine, sur la plateforme qui est devant le point zéro, l'entrée de la galerie. Voilà, et là je suppose que c'est ce jour-là que j'ai été irradié. J'en ai pris plein. À l'époque, l'idée que l'énergie atomique allait apporter la prospérité à l'humanité et même la santé était partagée. Et les rédacteurs de la constitution de l'OMS, en même temps qui ont été les fondateurs, étaient effectivement complètement imbus de ces idées et même extrêmement enthousiastes. Donc, les conséquences des bombardements ne les intéressaient pas. En tant que médecins, ce qui les intéressait, c'était les sources radioactives. Et ce qui fait qu'au début de l'OMS, il n'y a eu aucune préoccupation concernant la protection de la population contre les retombées des bombes. On ne s'est pas intéressé au sort des victimes d'Hiroshima et Nagasaki, des survivants. Aucune étude prospective n'a été faite quant à ce qui pouvait se passer si on développait l'énergie atomique de façon intensive. The worst is atomic war. The best would be this. A life of perpetual fear and tension. Et c'est seulement après le discours du président Eisenhower, le fameux discours Atoms for Peace de fin 1953, que la question s'est posée, a été posée par le gouvernement autrichien à l'OMS. Qu'est-ce qu'on a pour ce qui concerne la protection de la population? Et on n'avait rien. L'OMS n'avait rien fait. Mais existait une institution d'avant-guerre, la Commission internationale de protection radiologique, qui édictait des recommandations régulièrement, et ils se la sont affiliés. Donc c'est une institution privée qui est devenue l'opérateur pour les questions de radioprotection de l'OMS. Et les membres de cette commission internationale étaient des passionnés d'usage des radioéléments. Ils ont compris qu'après-guerre, le champ de leurs activités s'étendait maintenant à toute l'industrie atomique. Donc c'était pour eux un accroissement de leur influence, puisqu'ils allaient pouvoir piloter les questions d'exposition radiologique dans le cadre de l'âge atomique. Et ils ont promu, et toujours maintenant, ils continuent de promouvoir l'ère de l'énergie atomique pour l'humanité. Mais dans l'esprit des promoteurs de cette commission internationale, très peu de membres directs de l'OMS. Hein. La commission internationale est affiliée à l'OMS, mais elle est vraiment autonome dans son fonctionnement. Donc beaucoup de membres de cette commission internationale se sont préoccupés des risques qu'il y avait de rater le démarrage de l'entrée dans l'ère de l'énergie atomique à cause de la crainte des retombées. Et donc ils ont fait de cette crainte des retombées une espèce de handicap mental de l'humanité vis-à-vis de l'énergie atomique. Et par exemple, ils ont recommandé de ne pas mettre les centrales trop loin des villes parce que ça allait faire croire aux gens que c'était dangereux. Donc il fallait les mettre près. Et il est vrai que les premières centrales américaines, comme celle d'Indian Point, est à 3 jets de flèche de New York. Il y a beaucoup de centrales aux États-Unis qui sont très proches des villes, d'ailleurs en France aussi, au Japon aussi. Ça résulte de cette idée que si on prend trop de précautions, et c'est écrit dans leur rapport, alors ça va entretenir cette crainte que fait courir le développement de l'énergie atomique. Come on, baby, take a chance with us. Come on, baby, take a chance with us. Come on, baby, take a chance with us and meet me at the back of the... On connaît bien les mouvements de résistance qui ont eu lieu à Plogoff, à Creil-Malville, etc. On connaît beaucoup moins le mouvement de résistance à Fessenheim qui était vraiment dans les tout premiers à s'opposer au nucléaire. En 1970, il y a une association qui a été créée, le CSFR, c'est le comité de surveillance de Fessenheim et de la plaine du Rhin, suite justement à l'annonce du projet de centrale nucléaire à Fessenheim. Jocelyn Perret. Auparavant, donc dans les années 50-60, il y avait eu des mouvements contre le nucléaire, mais le nucléaire militaire principalement. Donc beaucoup de mouvements pacifistes qui s'opposaient aux essais nucléaires dans le Sahara et par la suite dans le Pacifique. Mais la prise de conscience du nucléaire civil, vraiment, de la part des citoyens, ça s'est fait en effet début des années 70. Et donc avec cette création en Alsace du CSFR, qui est la première association vraiment de lutte contre le nucléaire civil. Et donc 1970, et puis première manifestation un peu de masse contre un projet de réacteur, c'est contre le projet de Fessenheim, début 71, où il y avait déjà 1500 personnes qui se sont mobilisées. Et un ou deux mois après, il y a eu une autre manifestation, mais là au Bugey, dans l'Ain, organisée par le futur créateur de la gueule ouverte, Fournier. Et là aussi, c'était la deuxième manif et le mouvement était lancé. Et à partir de là, ça s'est coordonné et les citoyens écolos, on va dire, ont commencé à occuper le terrain de la lutte associative et également politique, puisque en 73, en Alsace, on se retrouve avec le premier parti politique estampillé écolo, écologie et survie. Et à partir de là, protéger l'environnement contre le nucléaire, c'était protéger les générations futures. Justin Perret, c'était aussi la grande époque des radios libres. Il y a plusieurs radios qui se sont créées justement pour soutenir ce mouvement. Ce qu'on a appelé le printemps des radios libres, c'est le printemps 77. Mais la technique était tellement simple que ça a pris d'un coup. Et là, on s'est retrouvé pendant 4 ans avec une ribambelle, une flopée de radios libres, qu'on appelait alors les radios pirates, qui ont occupé les ondes à leur risque et péril, puisque c'était totalement interdit. Il y avait un monopole d'État sur la radiodiffusion. Donc si vous y étiez pris en train d'émettre, vous pouviez avoir une amende et une peine de prison. Jeden Samstag oben los a Radio Wert Fessenheim auf 101 MHz UKW am Viertel vor 8. Fessenheim. Habitantes et habitants d'Alsace menacés par la pollution chimique et radioactive, bonsoir. Il y a eu plusieurs radios spécifiquement antinucléaires. Pendant 4 ans, Radio Verte Fessenheim, ça a quasi été la plus grosse radio pirate militante qu'il y a eu en France, parce qu'ils avaient une régularité d'émission qui y était hebdomadaire. Tous les vendredis soirs, vous aviez une douzaine d'équipes avec sac à dos, une antenne portative, un lecteur de cassette, une batterie, l'émetteur. Ils partaient toujours à deux, ils gravissaient les montagnes, les Vosges, et ils se répartissaient du nord au sud de l'Alsace. Et tous les vendredis soirs, à 19h45, sur toute l'Alsace, vous pouviez attraper Radio Verte Fessenheim. Quelques vallées n'étaient pas desservies, parce qu'il y a beaucoup de vallées, des fois dans les Vosges, donc avec les petits émetteurs, on passe pas. Mais ils ont eu vraiment un développement mais absolument fabuleux, et un impact dans la population, ça a marqué. Ah oui, tout a commencé par Fessenheim, manifestation contre l'idée de Fessenheim, puis contre la construction de Fessenheim. C'était un mouvement qui était anti-nucléaire, mais surtout qui était anti-se faire imposer quelque chose qu'on ne comprend pas et dont on sait, par son mot nucléaire, que ça rappelle la bombe atomique, ne pas se faire imposer ça au titre dont on ne comprenait pas quel progrès ou quelle société. Après, nous passerons à d'autres formes d'action. Si nous n'obtenons pas gain de cause, c'est-à-dire si nous n'obtenons pas d'être considérés comme des citoyens à part entière, ayant droit à la discussion honnête et publique. Quelles sont les autres formes d'action que vous pouvez envisager ? Alors, les autres formes d'action, je ne peux pas vous décrire tout. Nous resterons dans la ligne que nous nous sommes tracés. Ce qu'on nomme généralement les moyens non violents. Nous ne comptons pas placer des bombes, etc. C'était un peu les premières grosses critiques du système capitaliste de consommation à outrance. Et donc, c'était les premiers à écrire des articles en disant « il faut qu'on ralentisse, il faut qu'on freine ». C'était l'époque un peu de tous les penseurs, que ce soit Gortz, Illich, tous ces gens-là. Dans les années 70, en fin de compte, leurs idées, elles ont explosé. Et tout ce qu'on a vu dans ces années-là, c'était un peu les tentatives de mise en application. Eh bien, c'est avant tout le rassemblement de tous ceux qui considèrent que le programme nucléaire constitue une véritable démence. Je crois qu'il était bon que toutes ces personnes se rassemblent, puissent s'exprimer devant la presse et ensuite rentrer chacun chez soi avec encore plus de confiance dans l'avenir, car il n'est vraiment pas possible que, en fin de compte, l'instinct de conservation et le bon sens ne triomphent pas sur quelques rêves utopiques de technocrates. L'Alsace était plutôt connue pour être une région plutôt conservatrice, qui suit le pouvoir en place, vous voyez. Donc on bouge pas, on dit rien. Et puis là, d'un seul coup, à Markolsheim, des simples citoyens dans un village paumé au bord du Rhin, qui décident d'occuper un site pour empêcher la construction d'une usine. Et ils ont occupé le site plusieurs mois avec le soutien de communes autour. Et en même temps, ça a fédéré énormément d'associations en Alsace et en Allemagne, parce que vu que ce projet était au bord du Rhin, il y avait les Allemands juste de l'autre côté du Rhin qui étaient concernés aussi par cette pollution. Et ça a été une des premières luttes qui a unifié les mouvements citoyens et écolos Alsace, Allemagne du Sud et nord de la Suisse. Ja, hier war das Dreieckland. Die Bulle habe jetzt das Gelände angegriffen. Wir sind genug Leuten vielleicht vorherrscht. Passiver Widerstand, kommt hierher, schnell, verteidigt Radio Dreieckland. Der Sender kann jetzt nur auf Studio 2 weitersenden, ja? Ulf, gib's weiter durch, ich bin gerade noch ans Telefon. Jocelyn Perret, vous nous parliez de Radio Verte Fessenheim qui était donc itinérante, mais il y avait tout de suite cette ambition transfrontalière qui était assez originale pour l'époque. Radio Verte Fessenheim voulait s'adresser à tous ceux qui étaient concernés par les problèmes d'usines chimiques, de pollution, de radioactivité et donc de nucléaire. C'était leur appel, leur message concernait les habitants de la plaine du Rhin. La plaine du Rhin, elle part des Vosges et elle va jusqu'à la forêt noire et jusqu'au nord, en gros, des Alpes, du Jura. Et pour s'adresser à toute cette population, mais en effet, les émissions étaient en français, en alsacien et en allemand. Et petit à petit, ils en sont arrivés donc à choisir le terme de Dreieckland, qui est un terme forgé par un artiste folk alsacien, François Brumt, et il s'adressait aux trois pays, aux trois frontières, donc à cette grande plaine. Sur la première occupation à Markolsheim, il y avait toujours des personnes qui occupaient le terrain. Alors parmi ces personnes, beaucoup de personnes âgées, ou des personnes qui ne travaillent pas, les mères au foyer, à ce moment-là il y avait beaucoup de mères au foyer, beaucoup d'anciennes, et la lutte de Markolsheim est aussi connue comme la lutte des tricoteuses. Parce qu'en fin de compte, en journée, c'était les grands-mères qui étaient là, qui surveillaient des fois les enfants. Et on a des photos où on voit des grands-mères côte à côte en train de discuter et puis qui sont là en train de tricoter. Et toutes ces luttes, en effet, sans les femmes, les occupations auraient été beaucoup plus compliquées. Parce qu'en journée, les hommes, la plupart, travaillaient. Et donc, ils se dispersaient, la journée, ils allaient bosser. Du coup, il restait qui ? Il restait les femmes, les enfants et puis les personnes âgées. Là, on a un sentiment d'être, si vous voulez, dans le sens de l'histoire. Solange Fermé. Je pense que ce que nous essayons de transmettre, c'est vraiment un sens de la vie, de l'importance de continuer la vie et finalement ce progrès purement matériel et plastique et informatique et nucléaire, c'était un progrès qui allait contre la vie à ce moment-là. Quand il a été question de faire démarrer Fessenheim, un fils avec un groupe d'étudiants commençait en jeûne, une prise de position non violente contre la mise en route de Fessenheim. Michel Fernet. Mais mon épouse a rejoint comme adulte les étudiants qui jeûnaient. Tout d'un coup, j'étais pris dans ce piège du jeûne, les 5 ou 10 premiers jours ça va, mais au 20e jour ça pèse, et à ce moment-là toute l'Alsace s'était mise en mouvement de façon extravagante, imprévisible. Un matin, toute l'Alsace s'est réveillée en sachant que chaque village s'appelait Fessenheim, que chaque route conduisait à Fessenheim. Toutes ces routes avaient de nouvelles flèches qui parlaient de Fessenheim. Du nord de l'Alsace à la frontière sud, dans tous les villages, il y a eu du bouche à l'oreille qui a traversé l'Alsace comme une flambée. Tout d'un coup, mon village s'appelle Fessenheim, ici. Je ne sais pas si vous vous rendez compte le nombre de panneaux qu'il a fallu préparer, sans que les autorités s'en aperçoivent. Et puis, il y a eu des manifestations à Colmar avec des chiffres absolument énormes de participants. On arrivait au 22e jour de jeûne. Les manifestants ne demandaient pas la non-mise en route de Fessenheim. Ils demandaient presque davantage « Arrêtez votre jeûne », dont ils se sentaient co-responsables. Et là, Solange, mon épouse, a dit « Nous devons résister encore 2 jours et nous aurons gagné. Si nous arrêtons aujourd'hui, nous aurons jeûné pour rien. » Et à la grande tristesse de Solange, ils se sont arrêtés. Et Fessenheim a pu poursuivre son chemin, alors que si on avait tenu 2 jours, on ne parlerait pas de Fessenheim aujourd'hui. Ce serait l'histoire, comme ça a été l'histoire en Autriche, où les jeunes ont conduit à la non-mise en mouvement de la centrale atomique. « Il faut savoir que déjà avant la guerre, en 1939 et en 1940, Julio Curie, prix Nobel de physique, il a compris, comme d'autres physiciens avec lui, la dangerosité d'une bombe atomique, mais il a voulu aussi, peut-être d'un certain point de vue, repayer ce péché originel. En prenant l'atome instrument de mort, les bombes atomiques de Nagasaki et d'Hiroshima, pour en faire des instruments de progrès et de paix. C'est aussi une démarche très psychologique, je pense. Cet atome, les physiciens qui ont participé ou qui sont de cette obédience de physique des particules ou de sciences de la matière, ils portent ce péché originel. 43 secondes exactement après le largage, à 550 mètres au-dessus du sol, la première arme atomique de la guerre explose. Il est exactement 8h16, le lundi 6 août 1945. Quelques instants plus tard, les deux ondes de choc produites par la déflagration atteignent les avions. En ressentant la violente secousse, Tibet s'écrie machinalement « DCA ». L'avion caméra vole en cercle au-dessus de l'Enola Gay et du Great Artist afin d'immortaliser l'explosion. Tandis que les appareils survolent une nouvelle fois la ville pour mieux voir l'enfer qui bouillonne en dessous d'eux, le copilote Bob Lewis ajoute une phrase dans son journal. « Mon Dieu, écrit-il, qu'avons-nous fait ?» Cette fascination aujourd'hui, elle est finie parce que nous avons eu Three Mile Island qui a été passé sous silence en 79, parce qu'il y a eu Tchernobyl, parce qu'il y a eu Fukushima, et parce que certains aujourd'hui veulent bien se rendre compte que quand le tigre sort de sa cage, on n'arrive pas à l'y faire rentrer. Point. C'est comme ça. Et la politique française nous dit aujourd'hui, il suffit que les barreaux de la cage soient assez épais et il n'y aura jamais de problème pour que le tigre en sorte. Il peut y avoir des accidents de centrales nucléaires. Tout comme il peut y avoir des accidents de bombes. C'était « À l'ombre des centrales nucléaires », aujourd'hui, l'aventure de l'atome, un avenir radieux. Avec Claude Huyne, directeur du musée Curie, Yves Lenoir, auteur de la comédie atomique aux éditions La Découverte, Patrick Bouvray, directeur de l'Observatoire des armements, Jocelyn Perret, auteur de L'épopée alsacienne du Dreieckland, Nicolas Lambert, auteur qui interprète Avenir radieux, une fiction française aux éditions L'Échappée. Michel Fernet, professeur émérite de médecine et ancien expert OMS. Jean-Marie Brome, physicien. Bruno Dufossé, chef de poste sécurité Radio France. Prise de son, Yann Frécy, Yvan Charby, Valérie Lavalard. Mixage, Célia Dufour. Réalisation Christine Diger, un documentaire de Lydia Benitzrak. Emancipate yourself from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, because none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets? While we stand aside and look, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have is redemption songs. These songs of freedom, redemption songs. Songs of freedom. Have no fear for atomic energy. These songs of freedom.